Hébreux chapitre 5. Or tout souverain sacrificateur se prenant d'entre les hommes, est établi pour les hommes dans les choses qui concernent le service de Dieu, afin qu'il offre des dons et des sacrifices pour les péchés, étant propre à avoir compassion des ignorants et des errants, parce qu'il est aussi lui-même environné d'infirmité, tellement qu'à cause de cette infirmité, il doit offrir pour les péchés, non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Or nul ne s'attribue cet honneur, mais celui-là en jouit qui est appelé de Dieu, comme Aaron. De même aussi Christ ne s'est point glorifié lui-même pour être fait souverain sacrificateur, mais celui-là l'a glorifié qui lui a dit, « C'est toi qui es mon Fils, je t'ai aujourd'hui engendré. » Comme il lui dit aussi en un autre endroit, « Tu es sacrificateur éternellement, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est ce Jésus qui durant les jours de sa chair ayant offert avec de grands cris, et avec larmes des prières et des supplications à celui qui le pouvait sauver de la mort, et ayant été exaucé de ce qu'il craignait. Quoiqu'il fût le Fils de Dieu, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ayant été consacré, il a été l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Étant appelé de Dieu à être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Sur quoi nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer, à cause que vous êtes devenus paresseux à écouter. Car au lieu que vous devriez être maître, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quels sont les rudiments du commencement des paroles de Dieu, et vous êtes devenus tels, que vous avez encore besoin de lait, et non de viande solide. Or quiconque use de lait, ne sait point ce que c'est de la parole de la justice, parce qu'il est un enfant. Mais la viande solide est pour ceux qui sont déjà hommes faits, c'est-à-dire, pour ceux qui, pour y être habitués, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal.